c'est dimanche. Et comme tous les dimanches, on retrouve Michel et Accordéon Parade. Le plateau d'accordéoniste. Le bonjour de l'accordéon entre 9h et 10h. Et puis Accordéon Parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant. 100% musette sur la bande FM. Auditrice, auditeur de ce GFM, ami du piano à bretelle, ami de l'accordéon, salut! Et pour commencer cette émission, j'ai fait appel à un jeune homme de 25 ans, Étienne de Normandie, qui va nous interpréter une valse. We'll be right back. Merci à ce sympathique jeune homme qui nous vient de Fougerolles-la-Chartre, un charmant petit village qui se trouve au centre de la France. Et Étienne, de Normandie, a commencé à apprendre à jouer de l'accordéon à 7 ans. Adolphe de Prince. Thank you. Merci à Claude Chevalier qui vient de nous offrir des œillets d'Espagne. Sympathique jeune homme. Et auparavant, c'était Stéphanie Rodriguez qui nous a emmené aussi dans un paso doble. Allez, on continue. Oh ben oui, ben on va continuer avec une valse. Mais pas n'importe quelle valse. C'est une valse tropicale. Et c'est Jo Lacaille à l'accordéon. Bye. Merci à Christophe de nous avoir interprété Une nuit à Tournevent. Et on continue Accordéon Parade avec, avec un sympathique jeune homme qui nous vient du Jura, qui nous vient du Jura suisse. Et c'est Albert, non, c'est Patrick Flamme qui nous offre des fleurs du Jura. Thank you. Merci à cet ancien pompier de Paris, Édouard Duleux, qui vient de nous interpréter ce merveilleux tango. Et puis, pendant qu'on dansait le tango, eh bien, Laurent Pire, eh bien, jouait aux fléchettes. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur les 91 MHz, tous les dimanches matins, de 9h à 10h, voire plus, c'est du bonheur! Avec Accordéon Parade, une émission que vous propose, que vous présente Michel. Là. Accordéon Parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Et puis c'est une émission pour les mordus du dépliant, 100% de musette. Sur la bande FM. Est-ce que vous savez quel est l'accordéoniste qui suit le Tour de France cette année ? Non. Eh bien, c'est le joyeux Léon. Il faisait le Tour de France. Vas-y, Léon, accroche-toi à ton guidon. Le Tour de France, léger comme un papillon, et pédalait en cadence dans un style de champion. Il filait avec aisance les mains en haut du guidon, et ses belles performances enflammaient les populations.

Et merci au sympathique Adolphe, Adolphe le voyageur, qui vient de nous interpréter ce medley de valse musette. Et bien maintenant, bien on va aller chercher de la fraîcheur à côté du Mont-Saint-Michel. Oui, je sais, c'est loin le Mont-Saint-Michel, mais c'est Karine Fontaine qui nous le dit avec son accordéon, loin du Mont-Saint-Michel. Thank you. Merci à Médard Ferrero qui vient de nous interpréter Fugitive, un de ses grands succès. Et maintenant, eh bien, on va écouter Joseph Colombo qui va nous interpréter aussi un de ses grands succès de 1934. Il va plutôt nous amener dans un quartier de Paris à La Roquette. Joseph Colombo. Merci à Joseph Colombo qui vient de nous interpréter cette Java à la roquette. Et on va continuer avec une Java, mais c'est la Java des Fauchés. We'll be right back. Merci à David Aubert qui vient de nous amener dans un tourbillon de musette. Eh bien, on continue bien sûr accordéon parallèle. Et cette fois, c'est avec Nicolas qui nous fait un petit coucou, Nicolas. C'est au son d'un indicatif de l'émission Accordéon Musette que vient nous interpréter Sophie Pélisson que se termine Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est une émission que vous a proposée Michel ce dimanche. C'est le plateau d'accordéoniste, le bonjour de l'accordéon. Enfin, une émission pour les mordus du dépliant, 100% musette sur la bande FM. Et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver mardi à partir de 10h. Passez une bonne semaine en triolet et à bientôt. Bye bye. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Michel en votre compagnie ce dimanche. Pour une heure de détente. Tranquille. Comment allez-vous? Eh oui, ça fait chaud, ça fait bon. Cet hiver, vous direz pas la même chose. Et vous qui êtes en vacances, comment va? C'est chouette les vacances. Et pour commencer cette émission, j'ai fait appel à l'écho des Ordons en Suisse. C'est les jeunes Tyroliens qui vont nous interpréter leur marche. L'écho des Ordons du côté de dans le Valais. Travaille. Il y a du soleil sur la terre.

voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Tous les jours, soir et matin, en appelant ses poulettes pour leur distribuer du grain. Son voisin, le gars Jean-Pierre, ébloui la regardait. Et perché sur la barrière, en riant, il répétait: Coutine, coutine, coutine, ou pécaillé. Rentrez, rentrez vite, il y a du danger. Coutine, coutine, coutine, ou pécaillé. Le loup rôde au bois, il pourrait vous manger. Un soir pour de primevère et trois jolis mots d'amour. Il n'y eut plus de fermière pour appeler sa basse-cour. Jean-Pierre entraînait Jeannette près de la châtaigneraie. Mais comme elle n'était pas bête, dans son cœur elle entendait: Coutine, coutine, coutine, ou pécaillé. Reviens, reviens vite, il y a du danger. Coutine, coutine, coutine, ou pécaillé. Le loup rôde au bois, il pourrait te manger. Quand elle eut pris de la taille, il fallut bien tout avouer. On saute à les fiançailles pour vite les marier. Mais prenez garde, fillette, ce n'est que dans les chansons qu'en faisant comme Jeannette, on attrape les garçons. Qu'il fait bon, nous étions au bord du lac de Côme en Italie. Ah, la fraîcheur, c'est ce qu'on recherche en ce moment. Et bien maintenant, on va. Je vous connaissez peut-être, mais est-ce que vous connaissez Lucienne Suzanne d'Hôtel? C'est une chanteuse qui a vu le jour en 1908 à Reims. Ça vous dit quelque chose? Non, ça vous dit rien? Eh bien, je vais vous apprendre. C'est Moineau, la chanteuse, la môme Moineau, qu'on entendait bien dans les années 20, 30, 35, qui chantait de merveilleuses chansons et elle chantait bien. Et voilà, on va l'écouter ce dimanche sur GFM et elle va nous chanter une chanson sur l'accordéon. Alors, grande dame de la chanson qui nous a quittés en 1968. Et eh bien voilà, on écoute Moineau. Ici, ta belle ville, dans ta musette, que j'ai connu le grand Léon. Et c'était la noce, c'était la fête, c'était un joli garçon. Il est clair, un ballon s'est chippé pour sa pomme. Il n'est pourtant pas tout ce qu'il y a de beau. Eh mais tu te rends, tu veux te payer un homme. Un vrai de vrai, un costaud. Et mais dans ma poule, tu n'y es pas. Et qu'est-ce qui me plaît dans ce mec-là? Il sait qu'il joue l'accordéon. Sous la peau, j'ai des frissons. Et sa musique m'emballe. Et j'ai le poids qui se cavale. Et pour balancer une chapa, oh, crois-tu qu'il se pose un peu là? Et j'ai le nombril en tire-bouchon. Et quand il joue de l'accordéon, il connaît les trucs à la mode, les trucs qui font rire chialer. Et ça soit facile ou pas commode, pour lui pas de difficulté. Il exécute la trouvère via poupoule, en douce moulin ou le cote à déguile. Et monte là-dessus, oh, c'est un type à la cool. Jamais il ne vous enquiquine. Oh, c'est un as, et dans la partie, qu'il fasse d'autoroum. Et quand il joue de l'accordéon, sous la peau j'ai des frissons. Sa musique m'emballe, et j'ai le poids qui se cavale. Et pour balancer une java, et crois-tu qu'il se pose un peu là? Et j'ai le nombril en tire-bouchon. Et quand il joue de l'accordéon, il faut voir comment toutes les gonzesses ont essayé de me le soulever. Appel des yeux, appel des jambes, tous les trucs pour l'exciter. Mais mon petit homme me reste fidèle, il garde pour moi s'ignorer ses baisers. Oh, en me disant de tout est la plus chouette, jamais je te laisserai tomber. Et la main et son instrument, et pour moi toute seule et doucement. Joue l'accordéon, alors ses poussets trop bons. Je suis électrique, je deviens historique. Et puis c'est jamais fini, et je crois qu'il jouerait toute la nuit. Et son morceau est long, très long, oh, quand il joue de l'accordéon. Merci à Moineau, nous étions en 1933. Et bien maintenant, après l'accordéon, oui, après l'accordéon, bien sûr, c'est agréable, mais Moineau, j'ai oublié de vous dire que Moineau, c'était une jolie môme. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus. En chantant des chansons, c'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravieuse, les passants dans la rue nous envient. Ah oh, c'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, cette petite sensation, ça vaut mieux qu'un million. C'est tellement, tellement bon. Oh, c'est si c'est tellement, tellement bon. Oulala, c'est si bon. Où c'est si bon. Vous aimez l'accordéon ? Eh bien, Michel vous propose tous les dimanches, de 9h à 10h, Accordéon Parade. Une heure d'accordéon, du vrai musette, c'est sur votre radio, sur GFM. Accordéon Parade est une émission pour les mordus du dépliant. Mince, j'ai manqué l'émission. Eh bien, vous pouvez me retrouver le mardi à partir de 10h pour la rediffusion de l'émission. Autrement, sur Popcast Internet. Et là, vous pouvez vous régaler puisqu'il y a plusieurs émissions de Sorgi FM. C'est Michel qui vous propose Accordéon Parade. Et le dimanche, c'est du direct. Également de la variété le dimanche à partir de 10h et jusqu'à 11h. Toujours Michel aux commandes. De la bonne humeur, de la détente, c'est sur les 91-91 MHz de Sourge FM. Laisse-moi t'aimer, te t'aimer. Laisse-moi te t'aimer, faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh, veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps, quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi. Oh, oh, oh, l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson mort sur l'eau de la rivière. Toi tu es mon soleil et mon envie. Laisse-moi te mêler, rien qu'une nuit. Laisse-moi, rien qu'une nuit. Le plus merveilleux paysage. Oh, oh, oh, oh, oui, si tu le veux. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But let do that to the pot, bona bani boat, but do the bottle boat. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. And in the meantime, let me tell you that I love you. Hey! stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Au son de l'accordéon de Pierre-André, qu'on va se quitter ce dimanche. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. De bonnes vacances. Et à dimanche prochain pour une autre émission d'accordéon et de variété. Bye bye! Des montagnes, tu as les yeux de ton pays. Tu resteras ma compagne si tu veux toute la vie. Tu sais garder la jeunesse de l'amour qui recommence. Tes baisers et tes caresses chantent pour moi des romances. La plus proche de chez vous sur 91 MHz. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous sur 91 MHz.